Qu'est-ce que j'entends là? Ah, c'est vous. Oui, madame. De quoi soupirez-vous? Moi, de rien. Vous soupirez. Je prends cela pour une parole et je vous réponds de même. Fort bien, mais qui est-ce qui vous a dit de me suivre? Qui me l'a dit, madame? Vous m'appelez, je viens. Vous marchez, je vous suis. J'attends le reste. Je vous ai appelé, moi. Ah oui, madame. Allez, vous rêvez. Retournez-vous-en, je n'ai pas besoin de vous. Retournez-vous-en? Les personnes affligées ne doivent point rester seules, madame. Ce sont mes affaires, laissez-moi. Cela ne fait qu'augmenter leur tristesse. Oh, ma tristesse me plaît. Et c'est à ceux qui vous aiment à vous secourir, dans cet état-là. Je ne veux pas vous laisser mourir de chagrin. Ah, voyons donc où cela ira. Pardi, il faut bien se servir de sa raison dans la vie et ne pas quereller les gens qui sont attachés à nous. Il est vrai que votre zèle est fort bien entendu. Pour m'empêcher d'être triste, ils me mettent en colère. Eh bien, ça distrait toujours un peu. Il vaut mieux quereller que soupirer. Et laissez-moi. Je dois soupirer toute ma vie. Vous devez, dites-vous? Oh, vous ne paierez jamais cette dette-là. Vous êtes trop jeune. Elle ne saurait être sérieuse. Mais ce que je dis là n'est que trop vrai. Il n'y a plus de consolation pour moi. Il n'y en a plus. Après 2 ans de l'amour le plus tendre, épouser ce que l'on aime, ce qu'il y avait de plus aimable au monde, l'épouser et le perdre 1 mois après. 1 mois? C'est toujours autant de prix. Je connais une dame qui n'a gardé son mari que 2 jours. C'est ça qui est piquant. J'ai tout perdu, vous dis-je. Tout perdu? Vous me faites trembler. Est-ce que tous les hommes sont morts? Mais que m'importe qu'il reste des hommes? Oh, madame, que dites-vous là? Que le ciel les conserve. Ne méprisons jamais nos ressources. Mes ressources, à moi qui ne veux plus m'occuper que de ma douleur. Moi qui ne vis presque plus que par un effort de raison. Mais comment donc par un effort de raison? Voilà une pensée qui n'est pas de ce monde. Mais vous êtes bien fraîche pour une personne qui se fatigue tant. Je vous prie, Lisette, point de plaisanterie. Vous me divertissiez quelquefois, mais je ne suis pas à présent en situation de vous écouter. Ah ça, madame, sérieusement, je vous trouve le meilleur visage du monde. Vous voyez ce que c'est? Quand vous aimiez la vie, peut-être que vous n'étiez pas si belle. La peine de vivre vous donne un air plus vif et plus mutin dans les yeux. Et je vous conseille de batailler toujours contre la vie. Cela vous réussit, on ne peut pas mieux. Que vous êtes folle. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. N'auriez-vous pas dormi en rêvant que vous ne dormiez point? Car vous avez le teint bien reposé. Mais vous êtes un peu trop négligée. Et je suis d'avis de vous arranger un peu la tête. L'abri, qu'on apporte ici la toilette de madame. Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'en veux point. Vous n'en voulez point? On faisait le miroir? Un miroir, madame. Savez-vous bien que vous me faites peur? Cela serait sérieux pour le coup. Et nous allons voir cela. Il ne sera pas dit que vous serez charmante impunément. Il faut que vous le voyiez. Et que ça vous console, et qu'il vous plaise de vivre. Allons, madame, mettez-vous là que je vous ajuste. Tenez, le savant que vous avez pris chez vous ne vous lira point de livre aussi consolant que ce que vous allez voir. Oh, tu m'ennuies. Qu'ai-je besoin d'être mieux que je ne suis? Je ne veux voir personne. De grâce, un petit coup d'œil sur la glace. Un seul petit coup d'œil. Quand vous ne le donneriez que de côté, tâtez-en seulement. Si tu voulais bien me laisser en repos. Quoi, votre amour-propre ne dit plus mot? Et vous n'êtes pas à l'extrémité? Cela n'est pas naturel. Et vous trichez. Faut-il vous parler franchement? Je vous disais que vous étiez plus belle qu'à l'ordinaire, mais la vérité est que vous êtes très changée. Et je voulais vous attendrir un peu pour un visage que vous abandonnez bien durement. Il est vrai que je suis dans un terrible état. Il n'y a donc qu'à remporter la toilette. L'abri, remettez cela où vous l'avez pris. Je ne me pique plus ni d'agrément ni de beauté. Madame, la toilette s'en va, je vous en avertis. Mais Lisette, je suis donc bien épouvantable. Extrêmement changée. Voyons donc, car il faut bien que je me débarrasse de toi. Oh, je respire. Vous voilà sauvée. Allons. Courage, madame. Donne le miroir. Tu as raison. Je suis bien abattue. Ne serait-ce pas un meurtre que de laisser dépérir ce teint-là, qui n'est que lisse et que rose quand on en a soin. Rangez-moi ces cheveux qui sont épars et qui nous cachent les yeux. Ah, les fripons, comme ils ont encore l'œil d'assassine. Ils m'auraient déjà brûlée si j'étais de leur compétence. Ils ne demandent qu'à faire du mal. Tu rêves, on ne peut pas les avoir plus battus. Oui, battus ? Ce sont de bons hypocrites. Que l'ennemi vienne, il verra beau jeu. Mais voici, je pense, un domestique de monsieur le chevalier. C'est ce valet de campagne si naïf qui vous a tant diverti il y a quelques jours. Que me veut son maître ? Je ne vois personne. Il faut bien l'écouter. Madame. Pardonnez l'embarras. Abrège. Il t'appartient bien d'embarrasser, madame. Il vous appartient bien de m'interrompre, mamie. Est-ce qu'il ne m'est pas libre d'être honnête ? Fini, de quoi s'agit-il ? Il s'agit, madame, que monsieur le chevalier m'a dit. Ce que votre femme de chambre m'a fait oublier. Quel original ! Cela est vrai, mais quand la colère me prend, ordinairement, la mémoire me quitte. Retourne donc savoir ce que tu me veux. Oh ! C'est pas la peine, madame, et je m'en ressouviens à cette heure. C'est que nous arrivâmes tous deux hier à Paris, monsieur le chevalier et moi, et que nous en partons demain pour n'y revenir jamais. Ce qui fait que monsieur le chevalier vous mande que vous ayez à trouver bon qu'il ne vous voit point cet après-dîner, qu'il ne vous assure point de ses respects, sinon ce matin, si cela ne vous déplaisait pas, pour vous dire adieu, à cause de l'incommodité de ses embarras. Tout ce galimatia-là signifie que monsieur le chevalier souhaiterait vous voir à présent. Sais-tu ce qu'il a à me dire ? Car je suis dans l'affliction. Il a à vous dire que vous ayez la bonté de l'entretenir un quart d'heure. Pour ce qui est d'affliction, ne vous embarrassez pas, madame. Il ne nuira pas la vôtre. Au contraire, car il est encore plus triste que vous. Et moi aussi, nous faisons compassion à tout le monde. En effet, je crois qu'il pleure. Oh, vous ne voyez rien, je pleure bien autrement quand je suis seul. Mais je me retiens par honnêteté. Tais-toi. Dis à ton maître qu'il peut venir et que j'attends. Et vous, Lisette, quand monsieur Hortensius sera revenu, qu'il vienne sur le champ me montrer les livres qu'il a dû m'acheter. Ah. Oh. La voilà qui soupire. Et c'est toi qui en es cause, buteur que tu es. Nous avons bien affaire de tes pleurs. Ceux qui n'en veulent pas n'ont qu'à les laisser. Ils ont fait plaisir à madame. Et monsieur le chevalier l'accommodera bien autrement. Car il soupire encore bien mieux que moi. Qu'il s'en garde bien. Dis-lui de cacher sa douleur, je ne t'arrête que pour cela. Ma maîtresse n'en a déjà que trop. Et je veux tâcher de l'en guérir. Entends-tu ? Pardi, tu grilles assez haut. Tu es bien brusque. Et de quoi pleurez-vous donc, tous deux, peut-on le savoir ? Ma foi, de rien. Moi, je pleure parce que je le veux bien. Car si je voulais, je serais gaillard. Le plaisant garçon. Oui. Mon maître soupire parce qu'il a perdu une maîtresse. Et comme je suis le meilleur cœur du monde, moi, je me suis mis à faire comme lui, pour l'amuser. De sorte que je vais toujours pleurant, sans être fâché. Seulement par compliment. Tu en ris ! J'en ris quelquefois de même, mais rarement. Car cela me dérange. J'ai pourtant perdu aussi une maîtresse, moi. Mais comme je ne la verrai plus, je l'aime toujours, sans en être plus triste. Il me divertit. Adieu. Fais ta commission. Et ne manque pas d'avertir monsieur le chevalier de ce que je t'ai dit. Adieu, adieu. Comment donc ? Tu me lorgnes, je pense. Ouida, je te lorgne. Tu ne pourras plus te remettre à pleurer. Gageons que si. Veux-tu voir? Va-t'en. Ton maître t'attendra. Je ne l'empêche pas. Je n'ai que faire d'un homme qui part demain. Retire-toi. À propos, tu as raison. Ce n'est pas la peine d'en dire davantage. Adieu donc, la fille. Bonjour, l'ami. Ce bouffon-là est amusant. Mais voici Monsieur Hortensius, aussi chargé de livres qu'une bibliothèque. Que cet homme-là m'ennuie avec sa doctrine ignorante. Quelle fantaisie à madame d'avoir pris ce personnage-là chez elle pour la conduire dans ses lectures et amuser sa douleur. Que les femmes du monde ont de travers. Monsieur Hortensius, madame m'a chargé de vous dire que vous alliez lui montrer les livres que vous avez achetés pour elle. Je serai ponctuel à obéir, mademoiselle Lisette. Et madame la marquise ne pouvait charger de ses ordres personne qui me les rendit plus digne de ma prompte obéissance. Ah, le joli tour de phrase. Comment vous me saluez de la période la plus galante qui se puisse ? Et l'on sent bien qu'elle part d'un homme qui sait sa rhétorique. La rhétorique que je sais là-dessus, mademoiselle. Ce sont vos beaux yeux qui me l'ont apprise. Mais ce que vous me dites là est merveilleux. Je ne savais pas que mes beaux yeux enseignassent la rhétorique. Ils ont mis mon cœur en état de soutenir thèse, mademoiselle. Et pour essai de ma science, je vais, si vous l'avez pour agréable, vous donner un petit argument en forme. Un argument ? À moi ? Je ne sais ce que c'est. Et je ne veux point tâter de cela. Adieu. Arrêtez ! Voyez mon petit syllogisme, je vous assure qu'il est concluant. Un syllogisme ? Que voulez-vous que je fasse de cela ? Écoutez ! On doit son cœur à ceux qui vous donnent le leur. Je vous donne le mien, ergo, vous me devez le vôtre. Est-ce là tout ? Oh, je sais la rhétorique aussi, moi. Tenez, on ne doit son cœur qu'à ceux qui le prennent. Assurément, vous ne prenez pas le mien, ergo, vous ne l'aurez pas. Bonjour. La raison répond ? Pour la raison, je ne m'en mêle point. Les filles de mon âge n'ont point de commerce avec elles. Adieu, monsieur Hortensius. Que le ciel vous bénisse. Vous, votre thèse et votre syllogisme. J'avais pourtant fait de petits vers latins sur vos beautés. Et mais, monsieur Hortensius, mes beautés n'entendent que le français. On peut vous les traduire. Achevez donc, car j'ai hâte. Je crois les avoir serrés dans un livre. Voilà, madame. Laissons-le chercher son papier. Je vous y donne le nom d'Hélène, de la manière du monde la plus poétique. Et j'ai pris la liberté de m'appeler le Paris de l'aventure. Les voilà. Cela est galant. Que voulez-vous dire avec cette aventure, vous vous appelez Paris? À qui parliez-vous? Voyons ce papier. Madame, c'est un trait de l'histoire des Grecs dont mademoiselle Lisette me demandait l'explication. Elle est bien curieuse, et vous bien complaisant. Où sont les livres que vous m'avez achetés, monsieur ? Je les tiens, madame, tous bien conditionnés et d'un prix fort raisonnable. Souhaitez-vous les voir ? Montrez. Voici monsieur le chevalier, madame. Faites entrer. Portez-les chez moi, nous les verrons tantôt. « Je vous demande pardon, madame, d'une visite sans doute importune. Surtout dans la situation où je sais que vous êtes. Ah, votre visite ne m'est point importune. Je la reçois avec plaisir. Puis-je vous rendre quelques services? De quoi s'agit-il? Vous me paraissez bien triste. Vous voyez, madame, un homme au désespoir et qui va se confiner dans le fond de sa province pour y finir une vie qui lui est à charge. Que me dites-vous là? Vous m'inquiétez. Que vous est-il donc arrivé? Le plus grand de tous les malheurs, le plus sensible, le plus irréparable. J'ai perdu Angélique, et je la perds pour jamais. Comment donc? Est-ce qu'elle est morte? C'est la même chose pour moi. Vous savez où elle s'était retirée depuis 8 mois, pour se soustraire au mariage où son père voulait la contraindre. Nous espérions tous deux que sa retraite fléchirait de pair, et il a continué de la persécuter. Hélas, apparemment, de ces persécutions, accoutumées à notre absence, désespérant sans doute de ne voir jamais à elle, elle a cédé, renoncé au monde. Et c'est lié par des nœuds qu'elle ne peut plus rompre. Il y a 2 mois que la chose est faite. Je la vis la veille, je lui parlais, je me désespérais, et ma désolation, mes prières, mon amour, tout m'a été inutile. J'ai été témoin de mon malheur. J'ai depuis toujours demeuré dans le lieu, il a fallu m'en arracher, je n'en arrivais qu'avant-hier. Je me meurs. Je voudrais mourir. Et je ne sais pas comment je vis encore. En vérité, il semble dans le monde que les afflictions ne soient faites que pour les honnêtes gens. Je devrais retenir ma douleur, madame, vous n'êtes que trop affligée vous-même. Non, chevalier, ne vous gênez point. Votre douleur fait votre éloge. Je la regarde comme une vertu. J'aime avoir un cœur estimable, car ça est si rare, hélas. Il n'y a plus de mœurs, plus de sentiments dans le monde. Moi qui vous parle, on trouve étonnant que je pleure depuis 6 mois. Vous passerez aussi pour un homme extraordinaire. Il n'y aura que moi qui vous plaindrai véritablement. Et vous êtes le seul qui rendra justice à mes pleurs. Vous me ressemblez. Vous êtes né sensible, je le vois bien. Il est vrai que mes chagrins ne m'empêchent pas d'être touché des vôtres. J'en suis persuadée, mais venons au reste. Que me voulez-vous? Je ne verrai plus Angélique. Elle me l'a défendu et je veux lui obéir. Voilà comment on pense un honnête homme, par exemple. Voici une lettre que je ne saurais lui faire tenir et qu'elle ne recevrait point de ma part. Vous allez incessamment à votre campagne, qui est voisine du lieu où elle est. Faites-moi, je vous supplie, le plaisir de la lui donner vous-même. La lire est la seule grâce que je lui demande. Et si à mon tour, madame, je ne pouvais jamais vous obliger? Et qui est-ce qui en doute? Dès que vous êtes capable d'une vraie tendresse, vous êtes né généreux. Cela va sans dire. Je sais à présent votre caractère comme le mien. Les bons cœurs se ressemblent, chevalier. Mais la lettre n'est point cachetée. Je ne sais ce que je fais dans le trouble où je suis. Puisqu'elle ne l'est point, lisez-la, madame. Vous en jugerez mieux combien je suis à plaindre. Nous causerons plus longtemps ensemble et je sens que votre conversation me soulage. Tenez sans compliment. Depuis 6 mois, je n'ai eu de moment supportable que celui-ci. Et la raison de cela, c'est qu'on aime à soupirer avec ceux qui vous entendent. Lisons la lettre. J'avais dessein de vous revoir encore, Angélique, mais j'ai songé que je vous désobligerais et je m'en abstiens. Après tout, qu'aurais-je été chercher? Je ne saurais le dire. Tout ce que je sais, c'est que je vous ai perdu, que je voudrais vous parler pour redoubler la douleur de ma perte, pour m'en pénétrer jusqu'à mourir. Pour m'en pénétrer jusqu'à mourir. Mais cela est étonnant. Ce que vous dites là, chevalier, je l'ai pensé, mot pour mot, dans mon affliction. Peut-on se rencontrer jusque-là? En vérité, vous me donnez bien de l'estime pour vous. Achevons. Mais c'est fait, et je ne vous écris que pour vous demander pardon de ce qui m'échappa contre vous à notre dernière entrevue. Vous me quittiez pour jamais, Angélique, j'étais au désespoir. Et dans ce moment-là, je vous aimais trop pour vous rendre justice. Mes reproches vous coûtèrent des larmes, je ne voulais pas les voir, je voulais que vous fussiez coupable et que vous crussiez l'être, et j'avoue que j'offensais la vertu même. Adieu, Angélique, ma tendresse ne finira qu'avec ma vie, et je renonce à tout engagement. J'ai voulu que vous fussiez contente de mon cœur, afin que l'estime que vous aurez pour lui excuse la tendresse dont vous m'honorâtes. Allez, chevalier. Avec cette façon-là de sentir, vous n'êtes point à plaindre. Quelle lettre! Autrefois, le marquis m'en écrivit une à peu près de même. Je croyais qu'il n'y avait que lui au monde qui en fût capable. Vous étiez son ami et je ne m'en étonne pas. Vous savez combien son amitié m'était chère. Il ne la donnait qu'à ceux qui la méritaient. Cette amitié-là me serait d'un grand secours s'il vivait encore. Sur ce pied-là, nous l'avons donc perdu tous deux. Je crois que je ne lui survivrai pas longtemps. Non, chevalier, vivez, pour me donner la satisfaction de voir son ami le regretter avec moi. À la place de son amitié, je vous donne la mienne. Ah, madame, je vous la demande de tout mon cœur, elle sera ma ressource. Je prendrai la liberté de vous écrire, vous voudrez bien me répondre. Et c'est une espérance consolante que j'emporte en partant. En vérité, chevalier, je souhaiterais que vous restassiez. Il n'y a qu'avec vous que ma douleur se verrait libre. Si je restais, je ne voudrais voir personne d'autre que vous. Mais effectivement, faites-vous bien de partir. Consultez-vous, il me semble qu'il vous sera plus doux d'être moins éloigné d'Angélique. Il est vrai que je pourrais vous en parler quelquefois. Oui, je vous plaindrais du moins, et vous me plaindriez aussi. Cela rend la douleur plus supportable. En vérité, je crois que vous avez raison. Nous sommes voisins. Nous demeurons comme dans la même maison, puisque le même jardin nous est commun. Et nous sommes affligés, nous pensons de même. L'amitié nous sera d'un grand secours. Nous n'avons que cette ressource-là dans les afflictions, vous en conviendrez. Aimez-vous la lecture? Ah, beaucoup. Cela vient encore fort bien. J'ai pris depuis 15 jours un homme à qui j'ai donné le soin de ma bibliothèque. Je n'ai pas la vanité de devenir savante, mais je suis bien aise de m'occuper. Il me lit tous les soirs quelque chose. Nos lectures sont sérieuses, raisonnables. Il y met un ordre qui m'instruit en m'amusant. Voulez-vous être de la partie? Voilà qui est fini, madame. Vous me déterminez, c'est un bonheur pour moi que de vous avoir vu, je me sens déjà plus tranquille. Allons, je ne partirai point. J'ai des livres aussi, en assez grande quantité. Celui qui a soin des vôtres les mettra tout ensemble. Et je vais appeler mon valet pour changer les ordres que je lui ai donnés. Que je vous ai d'obligation, peut-être que vous me sauvez la raison, mon désespoir se calme. Vous avez dans l'esprit une douceur qui m'était nécessaire et qui me gagne. Vous avez renoncé à l'amour, et moi aussi. Et votre amitié me tiendra lieu de tout, si vous êtes sensible à la mienne. Sérieusement, je m'y crois presque obligée pour vous dédommager de celle du marquis. Allez, chevalier, faites vite vos affaires, je vais De mon côté, donnez quelques ordres aussi. Nous nous reverrons tantôt. En vérité, ce garçon-là a un fond de probité qui me charme. Voilà vraiment de ces esprits propres à consoler une personne affligée. Que cette femme-là a de mérite. Je ne la connaissais pas encore. Quelle solidité d'esprit. Quelle bonté de cœur. C'est un caractère à peu près comme celui d'Angélique. Et ce sont des trésors que ces caractères-là. Oui, je la préfère à tous les amis du monde. Clubin ? Lubin ? Il me semble que je le vois dans le jardin. Monsieur ! Que vous plaît-il, monsieur ? Qu'as-tu donc avec cet air triste ? Hélas, monsieur, quand je ne sais rien faire, je m'attriste. À cause de votre maîtresse et un peu à cause de la mienne. Je suis fâché de ce que nous partons. Si nous restions, je serais fâché de même. Eh bien, nous ne partons point. Ainsi ne fait rien de ce que je t'avais ordonné pour notre départ. Nous ne partons point ? Non, j'ai changé d'avis. Mais monsieur, j'ai fait mon paquet. Eh bien, tu n'as qu'à le défaire. J'ai dit adieu à tout le monde. Je ne pourrais donc plus voir personne. Mais tais-toi, rends-moi mes lettres. Mais c'est pas la peine, je les porterai tantôt. Cela n'est pas nécessaire, puisque je te dis que je reste ici. Je n'y comprends rien. C'est donc encore autant de perdu que ces lettres-là. Mais monsieur, qu'est-ce qui vous empêche de partir ? Est-ce madame la marquise ? Oui. Et nous ne changeons point de maison. Et pourquoi en changer ? Ah, me voilà perdu. Comment donc ? Vos maisons se communiquent. De l'une, on entre dans l'autre. Je n'ai plus ma maîtresse. Madame la marquise est une femme de chambre. Tout agréable. De chez vous, j'irai chez elle. Crac ! Me voilà infidèle. Toute plein pied. Et cela m'afflige. Pauvre Marton. Faudra-t-il que je t'oublie ? Tu serais un bien mauvais cœur. Ah, pour cela, oui. Cela sera bien vilain, mais cela ne manquera pas d'arriver, car j'y sens déjà du plaisir, et cela me met au désespoir. Encore, si vous aviez la bonté de montrer l'exemple. Tenez, la voilà qui vient. Lisette. Ah, j'allais chez vous, chevalier, et j'ai su de Lisette que vous étiez ici. Elle m'a dit votre affliction, et je vous assure que j'y prends beaucoup de part. Il faut tâcher de se dissiper. Cela n'est pas aisé, monsieur le comte. Oh ! Tais-toi ! Que lui est-il donc arrivé à ce pauvre garçon ? Il a, dit-il, du chagrin, de ce que je ne parle point, comme je l'avais ordonné. Et pourtant, je suis bien aise de rester à cause de Lisette. Cela est galant. Mais, monsieur le chevalier, venons à ce qui nous amène, monsieur le comte et moi. J'étais sous le berceau pendant votre conversation avec madame la marquise, et j'en ai entendu une partie, sans le vouloir. Votre voyage est rompu. Ma maîtresse vous a conseillé de rester. Vous êtes tous deux dans la tristesse et la conformité de vos sentiments fera que vous vous verrez souvent. Je suis attachée à ma maîtresse plus que je ne saurais vous le dire. Et je suis désolée de voir qu'elle ne veut pas se consoler, qu'elle soupire et pleure toujours. À la fin, elle n'y résistera pas. N'entretenez point sa douleur. Tâchez même de la tirer de sa mélancolie. Voilà monsieur le comte qui l'aime. Vous le connaissez, il est de vos amis. Madame la marquise n'a point de répugnance à le voir. Ce serait un mariage qui conviendrait. Je tâche de le faire réussir. Aidez-nous de votre côté, monsieur le chevalier. Rendez ce service à votre ami, servez ma maîtresse elle-même. Mais, Lisette, ne me dites-vous pas que madame la marquise voit le comte sans répugnance ? Mais, sans répugnance, cela veut dire qu'elle me souffre. Voilà tout. Et qu'elle reçoit vos visites. Fort bien, mais s'aperçoit-elle que vous l'aimez? Je crois que oui. De temps en temps, de mon côté, je glisse de petits mots, afin qu'elle y prenne garde. Ah vraiment, ces petits mots-là vont me faire un grand effet. Vous êtes entre de bonnes mains, monsieur le comte. Et que vous dit la marquise? Vous répond-elle d'une façon qui promette quelque chose? Jusqu'ici, elle me traite avec beaucoup de douceur. Avec douceur? Sérieusement? Il me le paraît. Sur ce pied-là, vous n'avez donc pas besoin de moi. C'est conclure d'une manière qui m'étonne. Pas du tout, je dis fort bien. On voit votre amour, on le souffre, on y fait d'accueil. Apparemment qu'on s'y plaît. Et je gâterai peut-être tout si je m'en mêlais, cela va tout seul. Je vous avoue que voilà un raisonnement auquel je n'entends rien. J'en suis aussi surpris que vous. Ma foi, monsieur le comte, je faisais tout pour le mieux, mais puisque vous le voulez, je parlerai. Il en arrivera ce qu'il pourra. Vous le voulez, malgré mes bonnes raisons. Je suis votre serviteur et votre ami. Non, monsieur. Je vous suis bien obligé, vous aurez la bonté de ne rien dire. J'irai mon chemin. Adieu, Lisette. Ne m'oubliez pas. Puisque madame la marquise a des affaires, je reviendrai. Une autre fois. Faites entendre raison, Jean, voilà ce qui en arrive. Assurément, cela est original. Il me quitte aussi froidement que s'il quittait un rival. Eh bien, tout couvaille. Il ne faut jurer de rien dans la vie. Cela dépend des fantaisies. Fournissez-vous toujours et vive les provisions. N'est-ce pas, Lisette? Oserais-je, monsieur le chevalier, vous parler à cœur ouvert? Parlez. Mademoiselle Angélique est perdue pour vous. Je ne le sais que trop. Madame la marquise est riche, jeune et belle. Cela est friand. Après? Eh bien, monsieur le chevalier, tantôt vous l'avez vu soupirer de ses afflictions. N'auriez-vous pas trouvé qu'elle a bonne grâce à soupirer? Je crois que vous m'entendez. Courage, monsieur! Expliquez-vous. Qu'est-ce que cela signifie, que j'ai de l'inclination pour elle? Pourquoi non? Je le voudrais de tout mon cœur. Dans l'état où je vois ma maîtresse, que m'importe par qui elle en sorte, pourvu qu'elle épouse un honnête homme? C'est ma foi bien dit. Il faut être honnête homme pour l'épouser. Il n'y a que les malhonnêtes gens qui ne l'épouseront point! Finissons, je vous prie, Lisette. Eh bien, monsieur, sur ce pied-là, que n'allez-vous vous ensevelir dans quelque solitude où l'on ne vous voit point? Si vous saviez combien aujourd'hui votre physionomie est bonne à porter dans un désert, vous auriez le plaisir de n'y trouver rien de si triste qu'elle. Je ne vous blâme pas. Vous avez perdu votre maîtresse, vous vous êtes voué aux langueurs, vous avez fait vœu d'en mourir, c'est fort bien fait. Cela édifiera le monde, on parlera de vous dans l'histoire, vous serez excellent à être cité. Mais vous ne valez rien à être vu. Ayez donc la bonté de nous édifier de plus loin. Lisette, je pardonne aux ailes que vous avez pour votre maîtresse, mais votre discours ne me plaît point. Il est incivil. Mon voyage est rompu, on ne change pas à tout moment de résolution et je ne partirai point. À l'égard de monsieur le comte, je parlerai en sa faveur à votre maîtresse. Et s'il est vrai, comme je le préjuge, qu'elle ait du penchant pour lui, ne vous inquiétez de rien, mes visites ne seront pas fréquentes et ma tristesse ne gâtera rien ici. N'avez-vous que cela à me dire, monsieur? Que pourrais-je vous dire davantage? Adieu, monsieur. Je suis votre servante. Tout ce que j'entends là me rend la perte d'Angélique encore plus sensible. La foi Angélique me coupe la gorge. Je m'attendais à trouver quelque consolation dans la marquise. Sa généreuse résolution de ne plus aimer me la rendait respectable, et la voilà qui va se remarier. À la bonne heure, je la distinguais, et ce n'est qu'une femme comme une autre. Mettez-vous à la place d'une veuve qui s'ennuie et... Ah. Ah. Chère Angélique, s'il y a quelque chose au monde qui puisse me consoler, c'est de sentir combien vous êtes au-dessus de votre sexe. C'est de voir combien vous méritez, mon amour. Ah, Marton, Marton. Je t'oubliais d'un grand courage, mais mon maître ne veut pas que j'achève. Je m'en vais donc me remettre à te regretter comme auparavant, et que le ciel m'assiste. Je me sens plus que jamais accablé de ma douleur. Lisette m'avait un peu ragaillardi. Je vais m'enfermer chez moi. Je ne verrai que tantôt la marquise. Je n'ai plus que faire ici si elle se marie. Suis-je en état de voir des fêtes? En vérité, la marquise, y songe-t-elle? Et qu'est devenue la mémoire de son mari? Monsieur, que voulez-vous qu'elle fasse d'une mémoire? Quoi qu'il en soit, je lui ai dit que je ferais apporter mes livres et l'honnêteté veut que je tienne parole. Va me chercher celui qui a soin des siens. Ne serait-ce pas lui qui entre? Je n'ai pas l'honneur d'être connu de vous, monsieur. Je m'appelle Hortensius. Madame la marquise, dont j'ai l'avantage de diriger les lectures, et à qui j'enseigne tour à tour les belles lettres, la morale et la philosophie, sans préjudice des autres sciences que je pourrais lui enseigner encore, m'a fait entendre, monsieur, le désir que vous avez de me montrer vos livres, lesquels témoigneront, sans doute, l'excellence de votre bon goût. Partant, monsieur, que vous plaît-il qu'il en soit ? Lubin, monsieur, va vous mener à ma bibliothèque. Vous pouvez en faire apporter les livres ici. Soit fait comme vous le commandez. Eh bien, mon garçon, je vous attends. Un petit moment d'audience. Monsieur le docteur Hortus. Hortensius. Hortensius, ne défigurez point mon nom. Qu'il reste comme il est. J'ai pas envie de gâter la taille. Je le crois. Mais que voulez-vous, il faut gagner la bienveillance de tout le monde. Vous apprenez la morale et la philosophie à la marquise ? Oui. À quoi cela sert-il, ces choses-là ? À purger l'âme de toutes ses passions. Tant mieux. Faites-moi prendre un doigt de cette médecine-là contre ma mélancolie. Est-ce que vous avez du chagrin ? Tant que j'en mourrai sans le bon appétit qui me sauve. Vous avez là un puissant antidote. Je vous dirai pourtant, mon ami, que le chagrin est toujours inutile, parce qu'il ne remédie à rien, et que la raison doit être notre règle dans tous les états. Ne parlons point de raison. Je la sais par cœur, celle-là. Purgez-moi plutôt avec de la morale. Je vous en dis, et de la meilleure. Elle ne vaut donc rien pour mon tempérament. Servez-moi de la philosophie. Ce serait à peu près la même chose. Voyons donc les belles lettres. Elles ne vous conviendraient pas. Mais quel est votre chagrin ? C'est l'amour ! Oh ! La philosophie ne veut pas qu'on prenne d'amour ! Oui ! Mais quand il est pris, que veut-elle qu'on en fasse ? Qu'on lui renonce ! Qu'on le laisse là ! Qu'on le laisse là ! Mais s'il ne s'y tient pas, car elle court après vous ! Il faut fuir de toutes ses forces ! Ah bon ? Quand on a de l'amour, est-ce qu'on a des jambes ? Ah ! La philosophie ! En fournit donc ! Qu'elle nous donne d'excellents conseils ? Des conseils ! Le triste équipage pour gagner pays ! Écoutez ! Voulez-vous un remède infaillible ? Vous pleurez une maîtresse. Faites-en une autre. Morbleu ! Que ne parlez-vous ? Voilà qui est bon, cela. Hein ? Gageons que c'est avec cette morale-là que vous traitez la marquise qui va se marier avec monsieur le comte. Elle va se marier, dites-vous ? Assurément. Et si nous avions voulu d'elle, nous l'aurions eue par préférence. Car Lisette nous l'a offerte. Êtes-vous bien sûr de ce que vous me dites ? À telle enseigne que Lisette nous a ensuite proposé de nous retirer parce que nous sommes tristes et que vous êtes un peu pédant à ce qu'elle dit et qu'il faut que la marquise se tienne en joie. Béné, béné, je te rends grâce aux fortunes de m'avoir instruit de cela. Je me trouve bien ici, ce mariage m'en chasserait, mais je vais soulever un orage qu'on ne pourra vaincre. Que marmottez-vous là dans vos dents, docteur ? Rien. Allons toujours chercher les livres, car le temps presse. Jamais cru que la science fût si pesante. Belle bagatelle. J'ai bien plus de livres que tout cela dans ma tête. Vous ? Moi-même. Vous êtes donc le libraire et la boutique tout à la fois ? Et qu'est-ce que vous faites de tout cela dans votre tête ? J'en nourris mon esprit. Ah, il me semble que cette nourriture-là ne lui profite point. Je l'ai trouvée maigre. Vous ne vous y connaissez point. Mais reposez-vous un moment, vous viendrez me trouver après dans la bibliothèque où je vais faire de la place à ces livres. Allez ! Allez, toujours devant. Pauvre Lubin. J'ai bien du tourment dans le cœur. Je ne sais plus à présent si c'est Marton que j'aime ou si c'est Lisette. Et je crois pourtant que c'est Lisette, à moins que ce ne soit Marton. Apportez. Apportez-en encore un ou deux et mettez-les là. Bonjour, Mamour. Que fais-tu donc ici ? Je me repose sur un paquet de livres que je viens d'apporter pour nourrir l'esprit de madame. Car le docteur le dit ainsi. La sotte nourriture. Quand verrai-je finir toutes ces folies-là ? Ça rapporte ton impertinence. Mais c'est de la morale et de la philosophie. Ils disent que cela purge l'âme. J'en ai pris une petite dose et cela ne m'a pas seulement fait éternuer. Je ne sais ce que tu viens me conter. Laisse-moi en repos, va-t'en. Eh, pardi, c'est donc pas pour moi que tu faisais apporter des sièges ? J'ai plus tort. C'est pour madame qui va venir ici. Voudrais-tu en passant prendre la peine de t'asseoir un moment, mademoiselle ? Je t'en prie, j'aurais quelque chose à te communiquer. Eh bien, comme veux-tu, monsieur. Je te dirai, Lisette, que je viens de regarder ce qui se passe dans mon cœur et je te confie que j'ai vu la figure de Marton qui en délogeait et la tienne qui demandait à se nicher dedans. Je lui ai dit que je t'en parlerai. Elle attend. Veux-tu que je la laisse entrer ? Non, Lubin. Je te conseille de la renvoyer. Car dis-moi, que ferais-tu ? À quoi cela aboutirait-il ? À quoi nous servirait de nous aimer ? Ah, on trouve toujours bien le débit de cela entre deux personnes. Non, te dis-je. Ton maître ne veut point s'attacher à ma maîtresse. Et ma fortune dépend de demeurer avec elle, comme la tienne dépend de rester avec le chevalier. J'oubliais que j'avais une fortune qui est d'avis que je ne te regarde pas. Cependant, si tu me trouvais à ton gré, c'est dommage que tu n'aies pas la satisfaction de m'aimer à ton aise. C'est un hasard qui ne se trouve pas toujours. Serais-tu d'avis que j'en touchasse un petit mot à la marquise ? Elle a de l'amitié pour le chevalier. Le chevalier en a pour elle. Il pourrait fort bien se faire l'amitié de s'épouser par amour. Et notre affaire irait tout de suite. Tais-toi, voici madame. Laisse-moi faire. Lisette, allez dire là-bas qu'on ne laisse entrer personne. Je crois que voilà l'heure de notre lecture. Il faudrait avertir le chevalier. Ah, te voilà, Lubin. Où est ton maître ? Je crois, madame, qu'il est allé soupirer chez lui. Va lui dire que nous l'attendons. Oui, madame. Et j'aurai aussi pour moi une petite bagatelle à vous proposer, dont je prendrai la liberté de vous entretenir en toute humilité, comme cela se doit. Hé ! De quoi s'agit-il ? Oh, presque de rien ! Nous parlerons de cela tantôt, quand j'aurai fait votre commission. Je te rendrai service, si je le puis. Eh bien, monsieur, vous n'aimez donc pas les livres du chevalier ? Non ! Madame, le choix n'en paraît pas d'opte. Un dit homme, pas la moindre citation de nos auteurs grecs ou latins, lesquels, quand on compose, doivent fournir tout le suc d'un ouvrage. En un mot, ce ne sont que des livres modernes, remplis de phrases spirituelles. Ce n'est que d'esprit, toujours de l'esprit, petitesse qui choque le sens commun. Mais de l'esprit, est-ce que les anciens n'en avaient pas? Ah, Madame Distingo, ils en avaient d'une manière, que je trouve admirable. Expliquez-moi cette manière. Je ne sais pas trop bien quelle image employer pour cet effet, car c'est par les images que les anciens peignaient les choses. Changeons de discours. Que nous lirez-vous aujourd'hui? Je m'étais proposé de vous lire un peu du traité de la patience, chapitre premier du veuvage. Oh, prenez autre chose. Rien ne me donne moins de patience que les traités qui en parlent. Ce que vous dites est probable. J'aime assez l'éloge de l'amitié. Nous en lirons quelque chose. Je vous supplierai de m'en dispenser, madame. Ce n'est pas la peine. Pour le peu de temps que nous avons à rester ensemble, puisque vous vous mariez avec monsieur le comte. Moi? Oui, madame. Au moyen duquel mariage, je deviens à présent un serviteur superflu, semblable à ces troupes qu'on entretient pendant la guerre et que l'on casse à la paix. Je combattais vos passions, vous vous accommodez avec elles, et je me retire avant qu'on me réforme. Vous tenez là de jolis discours, avec vos passions. Il est vrai que vous êtes assez propre à leur faire peur, mais je n'ai que faire de vous pour les combattre. Des passions avec qui je m'accommode. En vérité, vous êtes burlesque. Et ce mariage, de qui le tenez-vous donc? De mademoiselle Lisette, qui l'a dit à Lubin, lequel me l'a rapporté, avec cette apostille contre moi, qui est que ce mariage m'expulserait d'ici. Mais qu'est-ce que cela signifie? Le chevalier croira que je suis folle, et je veux savoir ce qu'il a répondu. Ne me cachez rien. Parlez! Madame, je ne sais rien là-dessus que de très vague. Du vague, voilà qui est bien instructif. Voyons donc ce vague. Je pense donc que Lisette ne disait à monsieur le chevalier que vous épousiez monsieur le comte. Abrégez les qualités. Qu'afin de savoir si le dit chevalier ne voudrait pas vous rechercher lui-même et se substituer au lieu et place du dit comte. Et même il appert par le récit du dit Lubin que la dite Lisette vous a offerte au dit sieur chevalier. Voilà par exemple de ces faits incroyables. C'est promener la main d'une femme et dire aux gens, la voulez-vous? Je m'imagine voir le chevalier reculer de 10 pas à la proposition. N'est-il pas vrai? Je cherche sa réponse littérale. Ne vous brouillez point, vous avez la mémoire fort nette, ordinairement. L'histoire rapporte qu'il s'est d'abord écrié dans sa surprise et qu'ensuite il a refusé la chose. Oh. Pour l'exclamation, il pouvait la retrancher, ce me semble. Elle me paraît très imprudente et très impolie. J'en approuve l'esprit. S'il pensait autrement, je ne le verrais de ma vie. Mais se récrier devant les domestiques, m'exposer à leur raillerie, ah, c'en est un peu trop. Il n'y a point de situation qui dispense d'être honnête. La remarque critique est judicieuse. Donc, je vous assure que je mettrai ordre à cela. Comment donc, cela m'attaque directement. Cela va presque au mépris. Oh, monsieur le chevalier, aimez votre Angélique tant que vous voudrez, mais que je n'en souffre pas, s'il vous plaît. Je ne veux point me marier, mais je ne veux pas qu'on me refuse. Ce que vous dites est sans faute. Ceci va bon train pour moi. Mais, madame, que deviendrai-je? Puis-je rester ici? N'ai-je rien à craindre? Allez, monsieur, je vous retire pour 100 ans. Vous n'avez ici ni comte ni chevalier à craindre. C'est moi qui vous en assure et qui vous protège. Prenez votre livre et lisons. Je n'attends personne. Madame, monsieur le chevalier finit à l'embarras avec un homme. Il va venir et dit qu'on l'attende. Baba, quand il viendra, nous le prendrons. Si vous le permettiez à présent, madame, j'aurais l'honneur de causer un moment avec vous. Eh bien, que veux-tu? Achève. Oh, mais je n'oserais. Vous me paraissez en colère. Moi, de la colère? Ai-je cet air-là, monsieur? La paix règne sur votre visage. C'est donc que cette paix règne d'un air fâché. Fini, fini! C'est que vous saurez, madame, que Lisette trouve ma personne assez agréable. La sienne me revient assez. Et ce serait un marché fait si, par une bonté qui nous rendrait la vie, madame, qui est à marier, voulait bien prendre un peu d'amour pour mon maître, qui a du mérite et qui, dans cette occasion, se comporterait à l'avenant. Ah ah! Écoutons, voilà qui se rapporte assez à ce que vous m'avez dit. On parle aussi de monsieur le comte. Et les comtes sont d'honnêtes gens, je les considère beaucoup. Mais si j'étais femme, je ne voudrais que des chevaliers pour mon mari. Vive un cadet dans le ménage! Sa vivacité me divertit. Tu as raison, Lubin, mais malheureusement, dit-on, ton maître ne se soucie point de moi. Ah, cela est vrai. Il ne vous aime pas. Et je lui ai fait la réprimande avec Lisette. Mais si vous commenciez, cela le mettrait en train. Eh bien, monsieur, qu'en dites-vous? Sentez-vous là-dedans le personnage que je joue? La sottise du chevalier me donne-t-elle un ridicule assez complet? Vous l'avez prévu avec sagacité. Ah, je ne dispute pas qu'il n'ait fait une sottise, assurément, mais dans l'occurrence, un honnête homme se reprend. Tais-toi, voilà assez. Hélas, madame, je serais bien fâché de vous déplaire. Je vous demande seulement d'y faire réflexion. Je viens de donner vos ordres, madame. On dira là-bas que vous n'y êtes pas, et un moment après... Cela suffit. Il s'agit d'autre chose à présent. Approche. Et toi, reste ici, je te prie. Qu'est-ce que c'est donc, cette cérémonie? Tu vas entendre parler de ma besogne. Mon mariage avec le comte, quand le terminerez-vous, Lisette? Tu es un étourdi. Écoute, écoute. Répondez-moi donc, quand le terminerez-vous? Pourquoi? Me demandez-vous cela, madame? C'est que j'apprends que vous me marierez avec monsieur le comte, au défaut du chevalier à qui vous m'avez proposé et qui ne veut point de moi. Malgré tout ce que vous avez pu lui dire avec son valet qui vient m'exhorter à avoir de l'amour pour son maître dans l'espérance que cela le touchera. J'admire le tour que prennent les choses les plus louables quand un bonnet les rapporte. Je crois qu'on parle de moi. Vous admirez le tour que prennent les choses. Oh, ça, madame, n'allez-vous pas vous fâcher? N'allez-vous pas croire que j'ai tort? Quoi? Vous portez la hardiesse jusque-là, Lisette? Quoi? Priez le chevalier de me faire la grâce de m'aimer, tout ça pour pouvoir épouser cet imbécile-là? Attrape, attrape toujours. Qu'est-ce que c'est donc que l'amour du comte? Vous êtes donc la confidente des passions qu'on a pour moi et que je ne connais point? Mais qu'est-ce qu'il pourrait s'imaginer? Je suis dans les pleurs et l'on promet mon cœur et ma main à tout le monde, même à ceux qui n'en veulent point. Je suis rejetée, je suis des affronts, j'ai des amants qui espèrent, et je ne sais rien de tout cela. Qu'une femme est à plaindre dans la situation où je suis. Quelle perte j'ai faite. Mais comment me traite-t-on? Voilà notre ménage renversé. Allez, je vous croyais plus de zèle et plus de respect pour votre maîtresse. Fort bien, madame. Vous parlez de zèle. Je suis payée du mien. Voilà ce que c'est que de s'attacher à ses maîtres. La reconnaissance n'est point faite pour eux. Si vous réussissez à les servir, ils en profitent. Et quand vous ne réussissez pas, ils vous traitent comme des misérables. Comme des imbéciles. Il est vrai qu'il vaudrait mieux que cela ne fût point advenu. Eh, monsieur, mon veuvage est éternel. En vérité, il n'y a point de femme au monde plus éloignée du mariage que moi. Et j'ai perdu le seul homme qui pouvait me plaire. Mais, malgré tout cela, il y a de certaines aventures désagréables pour une femme. Le chevalier m'a refusé, par exemple. Mon amour-propre ne lui en veut aucun mal. Il n'y a là-dedans, comme je vous l'ai déjà dit, que le ton, que la manière que je condamne. Car quand il m'aimerait, cela lui serait inutile. Mais enfin, il m'a refusé. Cela est constant. Il peut se vanter de cela. Il le fera, peut-être. Qu'en arrive-t-il ? Cela jette un air de rebut sur une femme. Les égards et l'attention qu'on a pour elle en diminuent. Cela glace tous les esprits pour elle. Je ne parle point des cœurs, car je n'en ai que faire. Mais on a besoin de considération dans la vie. Elle dépend de l'opinion qu'on prend de vous. C'est l'opinion qui nous donne tout, qui nous ôte tout. Au point qu'après tout ce qui m'arrive, si je voulais me remarier, je le suppose, à peine m'estimerait-on quelque chose. Il ne serait plus flatteur de m'aimer. Le comte, s'il savait ce qui s'est passé. Oui, le comte. Je suis persuadée qu'il ne voudrait plus de moi. Je ne serais pas si dégoûtée. Moi, madame, je dis que le chevalier est un hypocrite. Car si son refus est si sérieux, pourquoi n'a-t-il pas voulu servir monsieur le comte, comme je l'en priais? Pourquoi m'a-t-il refusé durement, d'un air inquiet et piqué? Qu'est-ce que c'est que d'un air piqué? Quoi? Que voulez-vous dire? Est-ce qu'il était jaloux? En voici d'une autre espèce. Oui, madame, je l'ai cru jaloux. Voilà ce que c'est. Il en avait toute la mine. Monsieur s'informe comment monsieur le comte est auprès de vous, comment vous le recevez. On lui dit que vous souffrez ses visites, que vous ne le recevez point mal. Point mal. Dit-il avec dépit. Ce n'est donc point la peine que je m'en mêle. Qui est-ce qui n'aurait pas cru là-dessus qu'il songeait à vous pour lui-même? Voilà ce qui m'avait fait parler, moi. Et que sait-on ce qui se passe dans sa tête? Peut-être qu'il vous aime. Il en est bien capable. Me voilà déroutée. Je ne sais plus comment régler ma conduite. Car il y en a une à tenir là-dedans, j'ignore laquelle, et cela m'inquiète. Si vous me permettez, madame, je vous apprendrai un petit axiome qui vous sera sur la chose d'une merveilleuse instruction. C'est que le jaloux veut avoir ce qu'il aime. Or, étant manifeste que le chevalier vous refuse... Il me refuse. Vous avez des expressions bien grossières. Votre axiome, c'est ce qu'il dit. Il n'est pas encore sûr qu'il me refuse. Il s'en faut bien. Demandez au comte ce qu'il en pense. Comment? Est-ce que le comte était présent? Il n'y était plus. Je dis seulement qu'il croit que le chevalier est son rival. Ce n'est pas assez qu'il le croit. Ce n'est pas assez. Il faut que cela soit. Il n'y a que cela qu'il puisse me venger de l'affront presque public que m'a fait sa réponse. Il n'y a que cela. J'ai besoin pour réparation que son discours n'ait été qu'un dépit amoureux. Dépendre d'un dépit amoureux, cela n'est-il pas comique? Assurément, ce n'est pas que je me soucie de ce qu'on appelle la gloire d'une femme. Gloire sotte, ridicule, mais reçue, mais établie, qu'il faut soutenir et qui nous part. Les hommes pensent cela. Il faut penser comme les hommes. Ou ne pas vivre avec eux. Où en suis-je donc si le chevalier n'est point jaloux? L'est-il? Ne l'est-il point? On n'en sait rien. C'est un peut-être. Mais cette gloire en souffre toute sotte qu'elle est. Et me voilà dans la triste nécessité d'être aimée d'un homme qui me déplaît. Le moyen de tenir à cela. Oh, je n'en demeurerai pas là, je n'en demeurerai pas là. Attendez-vous, monsieur, il faut que la chose s'éclaircisse absolument. Le mépris serait suffisant, madame. Mais non, monsieur, vous me conseillez mal. Vous ne savez parler que de livres. Il y aura du bâton pour moi dans cette affaire-là. Pour moi, madame, je ne sais pas où vous prenez toutes vos alarmes. Mais on dirait que j'ai renversé le monde entier. On n'a jamais aimé une maîtresse autant que je vous aime. Je m'avise de tout et puis il se trouve que j'ai fait tous les maux imaginables. Je ne saurais durer comme cela, j'aime mieux me retirer. Du moins, je ne ferai point votre tristesse. Et l'envie de vous en tirer ne pourra point faire ma pertinence. Il ne s'agit pas de vos larmes. Je suis compromise et vous ne savez pas jusqu'où ça va. Voilà le chevalier qui vient. Restez! J'ai intérêt d'avoir des témoins. Vous m'avez peut-être attendu, madame, et je vous prie de m'excuser, j'étais en affaire. Il n'y a pas grand mal, monsieur le chevalier. C'est une lecture retardée, voilà tout. J'ai cru d'ailleurs que monsieur le comte vous tenait compagnie et cela me tranquillisait. Aïe, aïe, je m'enfuis. On m'a dit que vous l'aviez vu, le comte. Oui, madame. C'est un fort honnête homme. Sans doute, et je le crois même d'un esprit très propre à consoler ceux qui ont du chagrin. Il est fort de mes amis. Il est des miens aussi. Je ne savais pas que vous le connaissiez beaucoup. Il vient ici, quelquefois, et c'est presque le seul des amis de feu Monsieur le Marquis que je vois encore. Il m'a paru mériter cette distinction-là. Qu'en dites-vous ? Oui, madame, vous avez raison, et je pense comme vous. Il est digne d'être accepté. Trouvez-vous cet homme-là jaloux, Lisette ? Monsieur le Comte et son mérite m'ennuient. On a parlé d'une lecture, madame, et si je croyais vous déranger, je me retirerais. Puisque la conversation vous ennuie, nous allons lire. Vous me faites un étrange compliment. Pas du tout, et vous allez être content. Retirez-vous, Lisette, vous me déplaisez, là. Et vous, monsieur, ne vous écartez point, on va vous rappeler. Pour vous, chevalier, j'ai encore un mot à vous dire avant notre lecture. Il s'agit d'un petit éclaircissement qui ne vous regarde point, qui ne touche que moi, et je vous demande en grâce de me répondre avec la dernière naïveté sur la question que je vais vous faire. Voyons, madame, je vous écoute. Le comte m'aime, je viens de le savoir et je l'ignorais. Vous l'ignoriez ? Je dis la vérité, ne m'interrompez point. Cette vérité-là est singulière. Je n'y saurais que faire, elle ne laisse pas que d'être. Il est permis aux gens de mauvaise humeur de la trouver comme ils voudront. Je vous demande pardon d'avoir dit ce que j'en pense. Continuons. Vous m'impatientez. Aviez-vous cet esprit-là avec Angélique ? Elle aurait dû ne vous aimer guère. Je n'en avais point d'autre, mais il était de son goût. Et il a le malheur de n'être pas du vôtre. Cela fait une grande différence. Vous l'écoutiez donc quand elle vous parlait ? Écoutez-moi aussi. Lisette vous a prié de me parler pour le comte. Vous ne l'avez point voulu. Je n'avais garde. Le comte est un amant. Vous m'aviez dit que vous ne les aimiez point, mais vous êtes la maîtresse. Non, je ne la suis point. Peut-on, à votre avis, répondre à l'amour d'un homme qui ne vous plaît pas ? Vous êtes bien particulier. J'admire la peine que vous prenez pour me cacher vos sentiments. Vous craignez que je ne les critique après ce que vous m'avez dit ? Mais non, madame, ne vous gênez point. Je sais combien il vaut de compter avec le cœur humain et je ne vois rien là que de fort ordinaire. Non, je n'ai de ma vie eu tant d'envie de quereller quelqu'un. Adieu. Ah, marquise, tout ceci n'est que conversation et je serai au désespoir de vous chagriner. Achevez, de grâce. Je reviens. Vous êtes l'homme du monde le plus estimable quand vous voulez. Mais je ne sais par quelle fatalité vous sortez aujourd'hui d'un caractère naturellement doux et raisonnable. Laissez-moi finir. Je ne sais plus où j'en suis. Au comte qui vous déplaît. Bien, ce comte qui me déplaît, vous n'avez pas voulu me parler pour lui. Lisette s'est même imaginée vous voir un air piqué. Il en pouvait être quelque chose. Passe pour cela, c'est répondre et je vous reconnais. Sur cet air piqué, elle a pensé que je ne vous déplaisais pas. Cela n'est pas difficile à penser. Pourquoi ? On ne plaît pas à tout le monde ? Or, comme elle a cru que vous me conveniez, elle vous a proposé ma main, comme si cela dépendait d'elle. Et il est vrai que souvent, je lui laisse assez de pouvoir sur moi. Vous vous êtes, dit-elle, révoltée avec dédain contre la proposition. Avec dédain ? Voilà ce qu'on appelle du fabuleux, de l'impossible. Doucement. Voici ma question. Avez-vous rejeté l'offre de Lisette comme piquée de l'amour du comte ? Ou comme une chose qu'on rebute. Était-ce dépit jaloux, car enfin, malgré nos conventions, votre cœur aurait pu être tenté du mien, ou bien était-ce vrai dédain ? Commençons par rayer ce dernier, il est incroyable. Pour de la jalousie... Parlez hardiment. Que diriez-vous si je m'avisais d'en avoir ? Je dirais... que vous seriez jaloux. Oui, mais madame, me pardonneriez-vous ce que vous haïssez tant ? Vous ne l'étiez donc point ? Je vous entends, je l'avais bien prévu et mon injure est avérée. Que parlez-vous d'injure? Où est-elle? Est-ce que vous êtes fâché contre moi? Contre vous, chevalier? Non, certes. Et pourquoi me fâcherais-je? Vous ne m'entendez point. C'est à l'impertinente Lisette à qui j'en veux. Je n'ai point de part à l'offre qu'elle vous a faite. Et il a fallu vous la prendre, voilà tout. D'ailleurs, ayez de l'indifférence ou de la haine, pour moi, que m'importe. J'aime bien mieux cela que l'amour. Au moins, ne vous y trompez pas. Qui? Moi, madame, m'y tromper? Et ce sont ces dispositions-là dans lesquelles je vous ai vu qui m'ont attaché à vous, vous le savez bien. Et depuis que j'ai perdu Angélique, j'oublierais presque qu'on peut aimer si vous ne m'en parliez pas. Oh, pour moi, j'en parle, sans m'en souvenir. Allons, monsieur Hortensius, approchez, prenez votre place. Lisez-moi quelque chose de gai, qui m'amuse. Chevalier, vous êtes le maître de rester si ma lecture vous convient, mais vous êtes bien triste et je vais tâcher de me dissiper. Pour moi, madame, je n'en suis point encore aux lectures amusantes. Livre. Ce ne sont que des réflexions très sérieuses. Eh bien, que ne parlez-vous donc? Pourquoi laisser sortir le chevalier, puisque ce que vous allez lui lire lui convient? Monsieur le chevalier! Comment voulez-vous? Madame vous prie de revenir. Je ne lirai rien de récréatif. Que voulez-vous dire? Madame vous prie. Je ne prie point. Vous avez des réflexions. Et vous rappelez, monsieur, voilà tout. Je m'aperçois, madame, que je faisais une impolitesse de me retirer. Je vais rester si vous le voulez bien. Comme il vous plaira, asseyons-nous donc. La raison est d'un prix à qui tout cède. C'est elle qui fait notre véritable grandeur. On a nécessairement toutes les vertus avec elle. Enfin, le plus respectable de tous les hommes, ce n'est pas le plus puissant, c'est le plus raisonnable. Ma foi, sur ce pied-là, le plus respectable de tous les hommes a tout l'air de n'être qu'une chimère. Quand je dis les hommes, j'entends tout le monde. Mais du moins, y a-t-il des gens plus raisonnables les uns que les autres? Disons qu'il y a moins de folie, ce sera plus sûr. Mais de grâce, laissez-moi un peu de raison, chevalier. Je ne saurais convenir que je suis folle, par exemple. Qui, vous, madame? Et n'êtes-vous pas acceptée? Cela s'en va sans dire, et c'est la règle. Je ne suis point tentée de vous remercier. Poursuivons. Puisque la raison est un si grand bien, n'oublions rien pour la conserver. Fuyons les passions qui nous la dérobent. L'amour est une de celles... L'amour? L'amour ôte la raison? Ce n'est pas vrai, monsieur. Je n'ai jamais été plus raisonnable que depuis que j'en ai pour Angélique. Et j'en ai excessivement! Vous en aurez tant qu'il vous plaira. Ce sont vos affaires et on ne vous en demande pas le compte. Mais l'auteur n'a point tant de tort. Je connais des gens, moi, que l'amour rend bourru et sauvage. Et ces défauts-là n'embellissent personne, je pense. Si monsieur me donnait la licence de parachever, peut-être... Petit auteur que cela, esprit superficiel. Petit auteur, esprit superficiel, un homme qui cite Sénèque pour garant de ce qu'il dit, ainsi que vous le verrez plus bas, folio 24, chapitre 5. Fût ce chapitre 1000, Sénèque ne sait ce qu'il dit. C'est impossible! En vérité, cela me divertit plus que ma lecture. En voilà assez. Votre livre ne plaît point au chevalier, n'en lisons plus. Une autre fois, nous serons plus heureux. C'est votre goût, madame, qui doit décider. Mon goût veut bien avoir cette complaisance-là pour le vôtre. Sénèque, un petit auteur. Par Jupiter, si je le disais, je croirais faire un blasphème littéraire. Adieu, monsieur! Serviteur, serviteur. Vous voilà brouillé avec Hortensius, chevalier. De quoi vous avisez-vous aussi de médire de Sénèque? Sénèque et son défenseur ne m'inquiètent pas, pourvu que vous ne preniez pas leur parti, madame. Ah, oh, je demeurerai neutre si la querelle continue, car je m'imagine que vous ne voudrez pas la recommencer. Nos occupations vous ennuient, n'est-il pas vrai? Il faut être plus tranquille que je ne suis pour réussir à s'amuser. Ne vous gênez point, chevalier. Vivons sans façon. Vous voulez peut-être être seul. Adieu, je vous laisse. Ah, il n'y a plus de situation qui ne me soit à charge. Je voudrais de tout mon cœur pouvoir vous calmer l'esprit. Je m'attendais à plus de repos quand j'ai rompu mon voyage. Je ne ferai plus de projets. Je vois bien que je rebute tout le monde. Ce que je lui entends dire là me touche. Il ne serait pas généreux de le quitter dans cet état-là. Non, chevalier, vous ne me rebutez point. Ne cédez point à votre douleur. Tantôt vous partagiez mes chagrins, étiez sensible à la part que je prenais au vôtre. Pourquoi n'êtes-vous plus de même? C'est cela qui me rebuterait, par exemple. Car la véritable amitié veut qu'on fasse quelque chose pour elle. Elle veut consoler. Aussi aurait-elle bien du pouvoir sur moi si je la trouvais. Personne au monde n'y serait plus sensible. J'ai le cœur fait pour elle, mais où est-elle, cette amitié? De quoi vous plaignez-vous, voyons? D'une chose que vous avez rendue nécessaire. Une étourdie vient vous proposer ma main, vous avez de la répugnance. À la bonne heure, ce n'est point là ce qui me choque. Un homme qui a aimé Angélique peut trouver les autres femmes bien inférieures. Elle a dû vous rendre les yeux très difficiles. Et d'ailleurs, tout ce qu'on appelle vanité là-dessus, je n'en suis plus. Ah, madame, je regrette Angélique, mais vous m'en auriez consolé si vous l'aviez voulu. Je n'en ai point de preuve. Car cette répugnance dont je ne me plains point, fallait-il la marquer ouvertement? Où est l'amitié dont vous parlez? Car encore une fois, ce n'est pas de l'amour que je veux, vous le savez bien. Mais l'amitié n'a-t-elle pas ses sentiments, ses délicatesses? L'amour est bien tendre, chevalier, et bien croyez que l'amitié ménage avec encore plus de scrupules que lui les intérêts de ceux qu'elle unit ensemble. Voilà le portrait que je m'en suis toujours fait. Voilà comme je la sens, et comme vous auriez dû la sentir. Qu'il vienne quelqu'un me proposer votre main, par exemple, et je vous apprendrai comment on répond là-dessus. Oh, je suis sûr que vous y seriez plus embarrassé que moi. Car enfin, vous n'accepteriez point la proposition. Nous n'y sommes pas, ce quelqu'un n'est pas venu. Et ce n'est que pour vous dire combien je vous ménagerai, cependant, vous plaignez. Eh, morbleu, madame, vous m'avez parlé de répugnance, et je ne saurais vous souffrir cette idée-là. Tenez, je trancherai tout d'un coup là-dessus. Si je n'aimais pas Angélique, qu'il faut bien que j'oublie, vous n'auriez qu'une chose à craindre avec moi, que mon amitié ne devint amour. Et raisonnablement, il n'y aurait que cela à craindre, pas davantage. C'est là toute la répugnance que je me connais. Oh, pour cela, c'en serait trop. Il ne faut pas, chevalier, il ne faut pas. Mais ce serait vous rendre justice. Car enfin, d'où peut venir le refus dont vous m'accusez? C'est que le comte vous aimait, c'est que vous le souffriez. J'étais outré de voir cet amour venir traverser un attachement qui devait faire toute ma consolation. Mon amitié n'est point comparable avec cela. Ce n'est point une amitié faite comme les autres. Eh bien, voilà qui change tout. Je ne me plains plus. Je suis contente. Ce que vous me dites là, je l'éprouve, je le sens, c'est là précisément l'amitié que je demande. La voilà, c'est la véritable. Elle est délicate, elle est jalouse, elle a droit de l'être. Mais que ne me parliez-vous? Que n'êtes-vous venu me dire? Qu'est-ce que c'est que le comte? Que fait-il chez vous? Je vous aurais tiré d'inquiétude et tout cela ne serait point arrivé. Vous m'avez pourtant dit de cruelles choses. Et à qui en dit-on, si ce n'est aux gens qu'on aime et qui semblent n'y pas répondre? Dois-je vous en croire? Oh, que vous me tranquillisez, ma chère marquise. Écoutez, je n'avais pas moins besoin de cette explication-là que vous. Que vous me charmez, que vous me donnez de joie. On le prendrait pour mon amant de la manière dont il me remercie. Ma foi, je défie un amant de vous aimer plus que je fais. Je n'aurais jamais cru que l'amitié est là si loin. Cela est surprenant. L'amour est moins vif. Et cependant, il n'y a rien de trop. Non, il n'y a rien de trop. Mais il me reste une grâce à vous demander. Gardez-vous Hortensius? Je crois qu'il est fâché de me voir ici et je sais lire aussi bien que lui. Eh bien, chevalier, il faut le renvoyer. Voilà toute la façon qu'il y faut faire. Et le comte, qu'en ferons-nous? m'inquiète un peu. On le congédiera aussi. Je veux que vous soyez content. Je veux vous mettre en repos. Tenez-moi la main. Je serai bien aise de me promener dans le jardin. Allons, marquise. N'est-ce pas une chose étrange qu'un homme comme moi n'ait point de fortune? Posséder le grec et le latin et ne pas posséder 10 pistoles. Oh, divin Homère! Oh, Virgile et vous, gentil Anacréon! Vos doctes interprètes ont de la peine à vivre. Bientôt, je n'aurai plus d'asile. J'ai vu la marquise irritée contre le chevalier, mais incontinent, je l'ai vu dans le jardin discourir avec lui de la manière la plus bénévole. Quel solécisme de conduite! Est-ce que l'amour m'expulserait d'ici? Tiens, Lisette, le voilà bien à propos pour lui faire nos adieux. Ah, qui en veut cet étourdi-là avec son transport de joie? Allons, Guy, camarade docteur, comment va la philosophie? Pourquoi me faites-vous cette question-là? Ma foi, je n'en sais rien, si ce n'est pour entrer en conversation. Allons, allons, venons au fait. Encore un petit mot, docteur. N'avez-vous jamais couché dans la rue? Que signifie ce discours? C'est que cette nuit, vous en aurez le plaisir. Le vent de Bise vous en dira deux mots. N'amusons point davantage, monsieur Hortensius. Tenez, monsieur, voilà de l'or que madame m'a chargé de vous donner. Moyennant quoi, comme elle prend congé de vous, vous pouvez prendre congé d'elle. À mon égard, je salue votre érudition et je suis votre très humble servante. Et moi, votre serviteur. Quoi, madame me renvoie? Non pas, monsieur. Elle vous prie seulement de vous retirer. Et vous, qui êtes honnête, vous ne refuserez rien aux prières de madame. Savez-vous la raison de cela, mademoiselle Lisette? Non. Mais en gros, je soupçonne que cela pourrait venir de ce que vous l'ennuyez. Et en détail, de ce que nous sommes bien aises de nous aimer en paix. En dépit de la philosophie que vous avez dans la tête! Et toi? J'entends. C'est que madame la marquise et monsieur le chevalier ont de l'inclination l'un pour l'autre. Je n'en sais rien, ce ne sont pas mes affaires. Eh bien, tout couvaille, quand ce serait de l'inclination, quand ce serait des passions, des soupirs, des flammes et de la noce après. Gardien de ces gaillards, on a un cœur, on s'en sert. Cela est naturel. Fini tes sottises. Voilà averti, monsieur. Je crois que cela suffit. Adieu. Touchez-la. Et partez ferme. Il n'y aura pas de mal à doubler le pas. Dites à madame que je me conformerai à ses ordres. Enfin, le voilà congédié. C'est pourtant un amant que je perds. Un amant? Quoi, ce vieux rat de tort t'aimait? Sans doute. Il voulait me faire des arguments. Des arguments, te dis-je. Mais je les ai fort bien repoussés. Avec d'autres. Des arguments? Voudrais-tu bien m'en pousser un pour voir ce que c'est? Il n'y a rien de si aisé. Tiens, en voilà un. Tu es un joli garçon, par exemple. Cela est vrai? J'aime tout ce qui est joli, ainsi je t'aime. C'est là ce qu'on appelle un argument. Pardi, tu n'as que faire du docteur pour cela. Je t'en ferai aussi bien qu'un autre. Gage-moi un petit baiser que je t'en donne une douzaine. Gage-moi quand nous serons mariés, parce que je serais bien aise de perdre. Bon, quand nous serons mariés, j'aurai toujours gagné, sans faire de gageure. J'entends quelqu'un qui vient. Je crois que c'est monsieur le comte. Madame m'a chargé d'un compliment pour lui qui ne me réjouira pas. Ah! Bonjour, Lisette. Je viens de rencontrer Hortensius, qui m'a dit des choses bien singulières. La marquise le renvoie à ce qu'il dit. Parce qu'elle aime le chevalier et qu'elle l'épouse? Cela est-il vrai? Je vous prie de m'instruire. Ma foi, monsieur le comte, je ne crois pas que cela soit, et je n'y vois pas encore d'apparence. Hortensius lui déplaît le congédie, voilà tout ce que j'en puis dire. Et toi? N'en sais-tu pas davantage? Non, monsieur le comte, je ne sais que mon amour pour Lisette. Voilà toutes mes nouvelles. Madame la marquise est si peu disposée à se marier qu'elle ne veut pas même voir d'amant. Elle m'a dit de vous prier de ne pas vous obstiner à l'aimer. Non plus qu'à la voir, sans doute. Mais je crois que cela revient au même. Oui, qui dit l'un dit l'autre. Les femmes sont inconcevables. Le chevalier est ici, apparemment. Je crois que oui. Leurs sentiments d'amitié ne permettent pas qu'ils se séparent. Ah. Avertissez, je vous prie, le chevalier que je voudrais lui dire un mot. J'y vais de ce pas, monsieur le comte. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce de l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre? Le chevalier va venir. Interrogeons son cœur pour tirer la vérité. Je vais me servir d'un stratagème qui, tout comme un qu'il est, ne laisse pas souvent que de réussir. On m'a dit que vous me demandiez. Puis-je vous rendre quelques services, monsieur? Oui, chevalier. Vous pouvez véritablement m'obliger. Pardi, si je le puis, cela vaut fait. Vous m'avez dit que vous n'aimiez pas la marquise. Que dites-vous là? Je l'aime de tout mon cœur. Non, j'entends que vous n'aviez point d'amour pour elle. Ah, c'est une autre affaire, et je me suis expliqué là-dessus. Je le sais, mais êtes-vous dans les mêmes sentiments? Ne s'agit-il point, à présent, d'amour? Absolument. Mais en vérité, par où jugez-vous qu'il y en ait? Qu'est-ce que c'est que cette idée-là? Moi, je n'en juge point, je vous le demande. Vous avez pourtant la mine d'un homme qui le croit. Eh bien, débarrassez-vous de cela. Dites-moi oui ou non. Monsieur le comte. Un homme d'esprit, comme vous, ne doit point faire de chicane sur les mots. Le oui et le non qui ne se sont point présentés à moi ne valent pas mieux que le langage que je vous tiens. C'est la même chose, assurément. Il y a entre la marquise et moi une amitié et des sentiments vraiment respectables. Êtes-vous content? Cela est-il net? Voilà du français. Pas trop. On ne saurait mieux dire, et j'ai tort. Mais il faut pardonner aux amants. Ils se méfient de tout. Je sais ce qu'ils sont par mon expérience. Revenons à vous et à vos amours. Je m'intéresse beaucoup à ceux qui vous regardent, mais n'allez pas encore empoisonner ce que je vais vous dire. Ouvrez-moi votre cœur. Est-ce que vous voulez continuer d'aimer la marquise ? Toujours. Entre nous, je trouve étonnant que vous ne vous lassiez point de son indifférence. Parbleu, il faut quelques sentiments dans une femme. Vous et elle, on combat sa haine. Ne lui déplaisez-vous pas, on espère. Mais une femme qui ne répond rien, comment se conduire avec elle ? Par où prendre son cœur ? Un cœur qui ne se remue ni pour ni contre, qui n'est ni ami ni ennemi, qui n'est rien, qui est mort. Le ressuscite-t-on ? Oh, je n'en crois rien. Et c'est pourtant ce que vous voulez faire. Non. Non, chevalier. Je vous parle confidemment, à mon tour. Je n'en suis pas tout à fait réduit à une entreprise si chimérique. Et le cœur de la marquise n'est pas si mort que vous le pensez. M'entendez-vous ? Vous êtes distrait. Vous vous trompez, je n'ai jamais eu plus d'attention. Elle savait, mon amour. Je lui en parlais. Elle écoutait. Elle écoutait ? Oui. Je lui demandais du retour. C'est l'usage. Et est-ce là quelle réponse ? On me disait de l'attendre. C'est qu'il était tout venu. Il l'aime. Cependant, aujourd'hui, elle ne veut pas me voir. J'attribue cela à ce que j'avais été quelques jours sans paraître, avant que vous arrivassiez. La marquise est la femme de France la plus fière. Je la trouve passablement humiliée d'avoir cette fierté-là. Je vous ai prié tantôt de me raccommoder avec elle. Et je vous en prie encore. Vous vous moquez, cette femme-là vous adore. Je ne dis pas cela. Et moi qui ne m'en soucie guère, je le dis pour vous. Ce qui m'en plaît, c'est que vous le dites. Sans jalousie. Parbleu, si cela vous plaît, vous êtes servi à souhait. Car je vous dirai que j'en suis charmé. Que je vous en félicite et que je vous embrasserai volontiers. Embrassez donc, mon cher. Ce n'est pas la peine, il suffit de m'en réjouir sincèrement. Ah. Et je vais vous en donner des preuves qui ne seront point équivoques. Je voudrais bien vous en donner de ma reconnaissance, moi. Et si vous étiez d'humeur à accepter celle que j'imagine, ce serait alors que je serais bien sûr de vous. À l'égard de la marquise... En compte, finissons. Vous autres amants, vous n'avez que votre amour et ses intérêts dans la tête, et toutes ces folies n'amusent point les autres. Parlons d'autre chose. De quoi s'agit-il ? Dites-moi, mon cher, auriez-vous renoncé au mariage ? Oh, parbleu, c'en est trop. Faut-il que j'y renonce pour vous mettre au repos ? Non, monsieur, je vous demande grâce pour ma postérité, s'il vous plaît. Je n'irai point sur vos brisées, mais qu'on me trouve un parti convenable et demain, je me marie. Et qui plus est, c'est que cette marquise qui ne vous sort pas de l'esprit, tenez, je m'engage à la prier de la fête. Ma foi, chevalier, vous me ravissez. Je sens bien que j'ai affaire au plus franc de tous les hommes. Vos dispositions me charment, mon cher ami. Continuons. Vous connaissez ma sœur. Que pensez-vous d'elle ? Ce que j'en pense ? Votre question me fait ressouvenir qu'il y a longtemps que je ne l'ai vue et qu'il faut que vous me présentiez à elle. Vous m'avez dit 100 fois qu'elle était digne d'être aimée du plus honnête homme. On l'estime ? Vous connaissez son bien. Vous lui plairez, j'en suis sûr. Et si vous ne voulez qu'un parti convenable, en voilà un. En voilà un. Oui, vous avez raison. Votre idée est admirable. Elle est amie de la marquise, n'est-ce pas ? Je crois que oui. Allons, cela est bon. Et je veux que ce soit moi qui lui annonce la chose. Je crois que c'est elle qui entre. Retirez-vous pour quelques moments dans son cabinet, vous allez voir ce qu'un rival de mon espèce est capable de faire, et vous paraîtrez quand je vous appellerai. Partez ! J'en prends de remerciements, un jaloux n'en mérite point. Parbleu, madame. Je suis donc cet ami qui devait vous tenir lieu de tout. Vous m'avez joué, femme que vous êtes, mais... vous allez voir combien je m'en soucie. Le comte, dit-on, était avec vous, chevalier. Vous avez été bien longtemps ensemble. De quoi était-il question ? De pure vision de sa part, marquise. Mais des visions qui m'ont chagriné parce qu'elles vous intéressent et dont la première a d'abord été de me demander si je vous aimais. Mais je crois que cela n'est pas douteux. Sans difficulté, mais prenez garde, il parlait d'amour et non pas d'amitié. Ah. Il parlait d'amour. Il est bien curieux. À votre place, je n'aurais pas seulement voulu les distinguer. Qu'il devine. Non pas, marquise, il n'y avait pas moyen de jouer là-dessus, car il vous enveloppait dans ses soupçons et vous faisait pour moi le cœur plus tendre que je ne mérite. Vous voyez que cela est sérieux. Il fallait une réponse décisive. Aussi l'ai-je faite et elle est bien assurée qu'il se trompait. Et qu'absolument, il ne s'agissait point d'amour entre nous deux. Absolument. Mais croyez-vous l'avoir persuadé? Et croyez-vous lui avoir dit cela d'un ton bien vrai? Du ton d'un homme qui le sent? On ne craignait rien. Je l'ai dit de l'air dont on dit la vérité. Commandant, je serais très fâché, à cause de vous, que le commerce de notre amitié rendit vos sentiments équivoques. Mon attachement pour vous est trop délicat pour profiter de l'honneur que cela me ferait, mais j'ai mis bon ordre, et cela par une chose tout à fait imprévue. Vous connaissez sa sœur? Elle est riche, très aimable, et de vos amis, même. Assez médiocrement. Dans la joie qu'il a eue de perdre ses soupçons, le comte me l'a proposé. Ma foi, j'ai pris mon parti, nous sommes d'accord, et je dois l'épouser. Ah, ce n'est pas là tout, c'est que je me suis encore chargé de vous parler en faveur du comte et je vous en parle du mieux qu'il m'est possible. Vous n'aurez pas le cœur inexorable et je ne pense pas à la proposition fâcheuse. Non, monsieur. Je vous assure que le comte ne m'a jamais déplu. Ne vous a jamais déplu? C'est fort bien fait. Mais pourquoi donc m'avez-vous dit le contraire? C'est que je voulais me le cacher à moi-même? Et il l'ignore aussi? Point du tout, madame, car il vous écoute. Lui? J'ai suivi les conseils du chevalier, madame. Permettez que mes transports vous marquent la joie où je suis. Levez-vous, comte. Vous pouvez espérer. Que je suis heureux. Et toi, chevalier, que ne te dois-je pas? Mais, madame, achevez de me rendre le plus content de tous les hommes. Chevalier, joignez vos prières aux miennes. Vous n'en avez pas besoin, monsieur. J'avais promis de parler pour vous. J'ai tenu parole. Je vous laisse ensemble. Je me retire. Je me meurs. J'irai te retrouver chez toi. Madame, il y a longtemps que mon cœur est à vous. Consentez à mon bonheur, que cette aventure-ci vous détermine. Souvent, il n'en faut pas davantage. J'ai ce soir affaire chez mon notaire, je pourrais vous l'amener ici. Nous y souperions, avec ma sœur, qui doit venir vous voir. Le chevalier s'y trouverait, vous verriez ce qu'il vous plairait de faire. Des articles sont bientôt passés, et il n'engage qu'autant qu'on veut. Ne me refusez pas, je vous en conjure. Je ne saurais vous répondre. Je me sens un peu indisposée. Laissez-moi me reposer, je vous prie. Je vais toujours prendre les mesures qui pourront vous engager à m'assurer vos bontés. D'où vient que je soupire? Les larmes me coulent des yeux, je me sens saisie de la tristesse la plus profonde et je ne sais pourquoi. Qu'ai-je à faire de l'amitié du chevalier, l'ingrat qu'il est? Il se marie. L'infidélité d'un amant ne me toucherait point, celle d'un ami me désespère. Le comte même, j'ai dit qu'il ne me déplaisait pas. Mais où ai-je donc été chercher tout cela? Madame, vous avertis qu'on vient de renvoyer la sœur de Monsieur le Comte, mais elle a dit qu'elle le repasserait sur le soir. Voulez-vous y être? Non, jamais, Lisette, je ne saurais. De vous disposer, madame? Vous avez l'air bien abattue, qu'avez-vous dehors? Hélas, Lisette, on me persécute. On veut que je me marie. Vous mariez? Mais à qui donc? Au plus haïssable de tous les hommes, un homme que le hasard a destiné pour me faire du mal et pour m'arracher, malgré moi, des discours. J'ai tenu sans savoir ce que je disais. Mais il est venu que le comte. Et c'est lui-même. Et vous l'épousez? Je n'en sais rien, je te dis qu'il le prétend. Il le prétend? Mais qu'est-ce que c'est donc cette aventure-là? Elle ne ressemble à rien. Je ne saurais te la mieux dire. C'est le chevalier, c'est ce misanthrope-là qui est cause de cela. Il m'a fâché, le comte en a profité, je ne sais comment. Ils veulent souper ce soir ici. Ils ont parlé de notaire, d'articles. Je l'ai laissé dire. Le chevalier est sorti, il se marie aussi. Le comte lui donne sa sœur, car il ne manquait qu'une sœur pour achever de me déplaire à cet homme-là. Quand le chevalier l'épouserait, que vous importe? Veux-tu que je sois la belle-sœur d'un homme qui m'est devenu insupportable? Mort de ma vie, ne la soyez pas! Renvoyez le comte! Et sur quel prétexte? Car enfin, quoi qu'il me fâche, je n'ai rien à lui reprocher. Oh, madame, je m'y perds, j'y comprends plus rien. Ni moi non plus. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne saurais me démêler. Je me meurs. Qu'est-ce que c'est donc que cet état-là? Mais c'est, je crois, ce maudit chevalier qui est cause de tout cela. Et pour moi, je crois que cet homme-là vous aime. Mais non, Lisette, on voit bien que tu te trompes. Voulez-vous m'en croire, madame? Ne le revoyez plus. Laisse-moi, Lisette, tu me persécutes aussi. Ne me laissera-t-on jamais en repos? En vérité, ma situation, je me trouve, est bien triste. Votre situation, je la regarde comme une énigme. Madame! Monsieur le chevalier, il est dans un état à faire compassion. Que veut-il dire? Demande-lui ce qu'il a, Lisette. Hélas, madame, je crois que son bon sens s'en va. Tantôt, il marche. Tantôt, il s'arrête. Il regarde le ciel comme s'il ne l'avait jamais vu. Il dit un mot. Il en bredouille un autre, et il m'envoie savoir si vous voulez bien qu'il vous voie. Ne me conseilles-tu pas de le voir? Oui, n'est-ce pas? Oui, madame. Du ton dont vous me le demandez, je vous le conseille. Il avait d'abord fait un billet pour vous, qu'il m'a donné. Voyons donc. Tout à l'heure, madame. Quand j'ai eu le billet, il a couru après moi. Oh, prends-moi le papier. Ah, oh, je l'ai donc rendu. Tiens, va le porter. J'ai donc repris. Rapporte le papier. Je l'ai rapporté. Ensuite, il a laissé tomber le billet en se promenant. Ah, je l'ai ramassé sans qu'il l'ait vu, afin de vous l'apporter comme à sa bonne amie, pour voir ce qu'il a et s'il a quelque remède à sa peine. Montre donc. Le voici. Étonné, voilà l'écrivain qui arrive. Sors. Il sera peut-être bien aise de n'avoir point de témoin, d'être seul. Je viens prendre congé de vous et vous dire adieu, madame. Vous, monsieur le chevalier? Et où allez-vous donc? J'allais quand vous m'avez arrêté. Mon dessein n'était pas de vous arrêter pour si peu de temps. Et le mien est de vous quitter si tôt, assurément. Pourquoi donc me quittez-vous? Pourquoi je vous quitte? Eh, marquise, que vous importe de me perdre dès que vous épousez le comte? Mais chevalier, vous verrez qu'il y a encore du malentendu dans cette querelle-là. Ne précipitez rien, je ne veux point que vous partiez. J'aime mieux avoir tort. Non, madame, c'en est fait. Il ne m'est plus possible de rester ici. Mon cœur ne serait plus content du vôtre. Je crois que vous vous trompez. Ah, si vous saviez combien je dis vrai, combien nos sentiments sont différents. Pourquoi différents? Il faudrait donner un peu plus d'étendu à ce que vous dites là, chevalier. Je ne vous entends pas bien. Ce n'est qu'un seul mot qui m'arrête. Je ne puis deviner si vous ne me le dites. Tantôt, je m'étais expliqué dans un billet que je vous avais adressé. À propos de billets, vous me faites ressouvenir que l'on m'en a apporté un quand vous êtes venu. Ah ? De qui est-il, madame ? Je vous le dirai. Je devais, madame, regretter Angélique toute ma vie. Cependant, le croiriez-vous, je pars aussi pénétrée d'amour pour vous que je le fus jamais pour elle. Ce que vous lisez là, madame, me regarde-t-il ? Tenez, chevalier, n'est-ce pas là le mot qui vous arrête ? C'est mon billet. Ah, marquise, que voulez-vous que je devienne ? Je rougis, chevalier. C'est vous répondre ? Mon amour pour vous durera autant que ma vie. Je ne vous le pardonne qu'à cette condition-là. Que vois-je ? Monsieur le chevalier ? Voilà de grands transports. Il est vrai, monsieur le comte. Lorsque vous me disiez que j'aimais madame, vous connaissiez mieux mon cœur que moi. Mais j'étais dans la bonne foi. Et je suis sûr de vous paraître excusable. Et vous, madame ? Je ne croyais pas l'amitié si dangereuse. Ciel. Madame, il y a là un notaire que le comte a amené. Le retiendrons-nous, madame ? En fait, je ne me mêle plus de rien. Ah ! Je commence à comprendre. Le comte s'en va, le notaire reste, et vous vous mariez. Et nous aussi. Et il faudra que votre contrat fasse la fondation d'une autre. N'est-ce pas, Lisette ? Allons de la joie